c'est toi qui fais en sorte que je m'accomplis. Pour te faire sourire, je parle d'espoir. Je pourrais bien finir par y croire. Secret entre nous deux, dans nos regards y a des aveux. C'est comme une flamme qui me réchauffe dans mes hivers. Sur mon chemin elle m'éclaire et guide mes pas. Pour te faire sourire je parle d'espoir. Je pourrais bien finir par y croire. Je chante et chante à corps. J'ai donné, j'ai reçu.